pas la stature pour te bien pédécher. J'ai pas de voiture pour t'emmener balader. J'ai qu'une chose à offrir, ça ne peut pas s'acheter. De toute façon, j'ai déjà tout donné. Bébé, je t'aime, mais je n'ai pas de blé. Tu es dans le devoir, je ne peux pas assurer. J'ai qu'une chose à offrir, ça ne peut pas s'acheter. Ça n'a pas de prix, ça ne peut plus se donner. Tu vas te fringuer devant les chez café. Tu n'aimes que le luxe et les endroits cotés. Tu n'aimes que les gens qu'on vit bien éduqués. Bébé, je t'adore, je n'ai pas de blé. Tu es droit de moi, je ne peux pas assurer. Je n'ai qu'une chose à t'offrir, ça ne peut pas s'acheter. Ça n'a pas de prix, ça ne peut que se donner. Il faudra que tu saches que je ne veux pas changer. En vidéo à blanche, y'a rien de mieux pour semer. De toute façon, j'ai déjà donné.